Music jeudi 5 novembre 2017, Beats, l'entoulaté LAVWA. Cet édito doit introduire un gros dossier. Beats, l'entoulaté. À l'heure où les musiques dites actuelles semblent s'imposer à tous les territoires de la planète, comment la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique peuvent et doivent se positionner? On aura besoin de plusieurs chapitres, car quelques repères doivent être posés pour savoir de quoi on parle. On va essayer d'expliquer ce qu'on entend par le beat et ce que pourraient être les origines de ce concept qui a donné naissance à cette discipline qu'on appelle aujourd'hui le beatmaking, discipline très répandue, de plus en plus accessible, mais dont les plus jeunes ignorent souvent la généalogie. Nous allons donc faire quelques rappels. On est en 2017, époque où nous pouvons accéder instantanément aux musiques du monde entier. Même s'il nous faudrait toute une vie pour connaître tout ce qui se fait à travers le globe, une chose est sûre, pratiquement tout ce qu'on écoute aujourd'hui, en streaming, à la télé, en soirée, est produit par des outils électroniques. Boîte à rythme, synthétiseur, sampler, contrôleur MIDI, ordinateur. Évidemment et heureusement, les musiques jouées uniquement par des êtres humains avec des instruments physiques, acoustiques, existent encore. Mais ce qui caractérise les musiques contemporaines de nos jours, c'est l'emploi massif de boucles, c'est-à-dire des séquences répétées de 2, 4, 8 mesures qui constituent le corps de la musique instrumentale et c'est la voix ou autre instrument soliste qui joue le rôle de développement mélodique de la chanson. Cette pratique de composition qui sert de support instrumental pour les interprètes n'est pas venue de nulle part. Pour la comprendre, il faut remonter à l'histoire de l'émergence de deux genres musicaux majeurs de la fin du XXe siècle, le reggae et le rap. Avec le dub lancé par King Tubby et Lee Scratch Perry, le reggae a été un pionnier dans une approche par laquelle le mixage sonore devient matériau musical. Dans les années 1970, débute l'envolée de la musique reggae en provenance de Jamaïque. Le reggae a permis de populariser les musiques instrumentales au même niveau que les morceaux vocaux. Les 45 tours de reggae comportaient une face avec chant et une face dub qui valorise les pistes de la batterie, des percussions, de la basse, avec plusieurs effets de mixage comme l'écho, la réverbération, etc. Certains considèrent même que Lee Scratch Perry a inventé le concept de cut avant les disques jockeys américains du hip-hop. Il découpait lui-même les bandes magnétiques de différents de ses propres répertoires pour créer un morceau à part entière. De leur côté, les DJ hip-hop prenaient l'habitude d'exécuter une séquence instrumentale, le break, sur une première platine vinyle et la basculaient sur la deuxième pour reproduire la même séquence. De ces allers-retours sonores, un nouveau morceau était créé sous forme de boucle. C'est ainsi que le breakbeat a vu le jour, support d'expression à la fois pour les danseurs de hip-hop et aussi pour les maîtres de cérémonie, les MC que l'on désigne aujourd'hui comme rappeurs. On attribue la paternité de cette technique des années 1970 à DJ Kool Herc, un New Yorkais né, je vous le donne en mille, à Kingston en Jamaïque. Coïncidence ou pas, le breakbeat a donné par la suite cette fameuse culture de la boucle dont je parlais au début. En résumé, les musiques d'aujourd'hui, notamment celles classées « musique électronique », doivent beaucoup aux cultures hip-hop et reggae. Dans le jargon rap américain, ce qui désigne le support instrumental, c'est le beat, et dans le lexique du reggae dancehall jamaïcain, c'est le rhythm. Beat, battement, rhythm, rythme. Autrement dit, une musique qui se focalise sur la partie rythmique occupée par les percussions et la batterie. C'est une notion qui a fini par se répandre partout, grâce à ou à cause des avancées technologiques et qui s'est développée par des multitudes de styles liés à la musique assistée par ordinateur. Toujours dans cette idée d'exploitation de ressources sonores enregistrées comme nouveau processus de création musicale, l'une des principales spécificités du rap, c'est son usage d'échantillons, les samples, destinés à recycler voire transformer des thèmes existants issus d'autres genres musicaux afin qu'ils soient intégrés, réadaptés à la rythmique rap. C'est comme ça qu'on est arrivé au beatmaking, c'est-à-dire la conception de musiques instrumentales par le biais d'interfaces digitales et le recours au sampling. Il nous était important de rappeler tout ça car avec la démocratisation de l'informatique, De plus en plus de personnes, surtout des jeunes, composent de la musique simplement avec un ordinateur portable, sans savoir que c'est l'aboutissement de pratiques déjà existantes 30 ans plus tôt, mais avec des outils bien moins sophistiqués. Les progrès en matière technologique sont tels que des logiciels peuvent reproduire quasiment à l'identique le son d'instruments acoustiques tout en offrant la possibilité de créer des univers sonores impossibles à réaliser sur un plan physique. Mais comme pour tout, ces progrès peuvent se révéler à double tranchant, surtout sous l'effet de la course au profit. Développent-ils la créativité ou au contraire, sclérosent-ils l'imagination des êtres humains qui délèguent de plus en plus leur faculté d'inventer à des machines ? À vous de juger. En tout cas, voilà pour l'explication du concept du beat et de ses origines. Bien sûr, le rythme, la percussion existe depuis la nuit des temps et on retrouve cet élément sur tous les continents, à des degrés divers, sous des formes plus accentuées que d'autres selon les cultures. Mais de nos jours, le rythme, le beat, est devenu central dans l'industrie musicale. Nous entendrons dans cette première partie de notre dossier Beats l'Entoulaté aujourd'hui, quelques exemples internationaux où le beatmaking a pu se développer en cohérence avec des traditions locales. Et nous évoquerons le cas du dancehall jamaïcain et sa version martiniquaise pour essayer de comprendre l'état d'esprit des musiciens contemporains qui doivent prendre en compte les contraintes d'une industrie culturelle mondialisée et la préservation de leur identité. C'était LAVWA pour Conlambi Music Jeudi, 5 novembre 2017. Conlambi Music Jeudi avec EDS. Point de vue sur les musiques actuelles de Martinique et de Guadeloupe. C'est EDS, Conlambi Music Jeudi, bonjour à tous. La voix de Conlambi a planté le décor pour notre dossier spécial Beat, l'Entou Laté, le tour du monde des musiques basé sur les beats. Dans cette émission d'habitude consacrée à la Martinique et la Guadeloupe, là on va vous emmener un petit peu plus loin. On va démarrer tout de suite avec un vol direct vers l'Argentine. Première escale de ce tour du monde des beats, c'est l'Argentine avec la chanteuse La Yegros, c'est également le nom de son groupe. La Yegros qui nous fait de la cumbia digitale, donc forte influence bien sûr de cette musique colombienne. Elle a mélangé la cumbia mais aussi un autre style qu'on appelle le chamamé plus un rythme en trois temps. Cette fois, c'est là on va plutôt passer des morceaux cumbia digitale, ce mouvement qui commence à avoir beaucoup de succès, y compris sur Paris, où j'ai eu la chance de la voir en concert à la Bellevilloise. Et on va enchaîner, c'était son premier album, là on va passer au deuxième album, Magnetismo, avec le titre Carnabailito. We'll be right back. La Yegros et sa cumbia digitale. On précise qu'elle mélange à la fois les instruments traditionnels, vous avez entendu l'accordéon, avec les rythmes électroniques. Elle se produit sur scène en mélangeant à la fois les boucles électroniques de la batterie et c'est tous ces instruments que vous pouvez entendre. Un mélange très très efficace qui fait qu'elle a eu pas mal de succès, notamment sur Paris où elle a déménagé, elle habite maintenant et elle tourne pas mal en Europe. Donc allez écouter, le dernier album c'est Magnetismo, dernier extrait c'est la Chicha Roja. On a quitté l'Argentine, on est parti maintenant direction Trinidad. On écoute le groupe Just Now qui est en fait un duo de beatmakers Trinidad et UK, Port of Spain et Bristol à Londres. On mélange ça et ça donne Just Now. Follow me, brother. fear some gun. Beauty if you turn up the bass and gun. Me no want see them bag of school fear some gun. Tell them I wind up them ways and gun. Tell them we go go them ways and gun. Beauty if you turn up the bass and gun. Me no want see them bag of school fear some gun. We come fi mash up the place and gun. One champion. Them your son boy and no bad man. Me alone go fi them one one. With the summer where you sing like Bantan. Bad we bad, bad we bad, I don't talk we are making. We me gun, I don't call me a tech. And the deck like me wall in a tech. Just now avec Stylo G au micro. Eh bien, la musique de Trinidad, c'est la soca. Just Now apporte un véritable renouveau en mélangeant les techniques digitales avec une très très bonne maîtrise, un très bon son des percussions et des cuivres également. C'est un peu leur marque de fabrique. Ils ont sorti différents EP, projets pas mal instrumentaux, mais également des combinaisons avec des artistes vocaux. Et la meilleure d'entre elles est matérialisée, je pense, selon, ce n'est que mon avis, sur l'album de Bungie Garlin. Bungie Garlin qui est un des fers de lance de la soca moderne à Trinidad avec bien sûr Machel Montano, mais Bungie Garlin a ce son digital beaucoup plus urbain et le titre Beat Bad Soca est extrait de son tout dernier album, un excellent album sorti chez VP Records qui l'amène eh bien, à se produire dans des festivals internationaux, une manière de montrer comment on peut amener sa musique régionale, la soca, vers de nouveaux horizons. Big Bad Soca. Viking. Take a chip now. Hey, shake it hip, wow. We are the sound of 100,000 coming off the road. We are the vibration that you feel when the music loads. We are the mud and the oil and we come the dirty of the clothes. I made the girl them whine and strike the electric pose. Take a chip now. Hey. Shake it hip now. Hey, take a sip now. Pine and go dip now. Hey, I swear we are the sound them selectors play every day, hey. Making you sway. Hey. Right. And when the girl them telele and shadow dingole, I hear the soul God say, hey, we are the sound of soca. In the middle of the road, cause we don't need no permits to free these hearts and soul. To the money we trip with snake and a cricket and a toad, cause everything is everything and that time anything goes. Take a chip now. Shake it hip, wow. Take a sip now. Pango dip now. Selectors play, yeah, yeah. Every day, making you sway. Conan Ambi Musique jeudi dans notre petit tour du monde des musiques marquées par le beat, les beats music. On était en Argentine, on était à Trinidad. Et bien là, on va faire une escale un peu plus prolongée en Jamaïque. Parce que si pour la génération de mes parents, la musique maîtresse venait certainement d'Haïti avec le compas ou de Cuba avec la salsa, pour ma génération, c'est le son digital, le dancehall de Jamaïque qui domine, on va dire, depuis près d'une vingtaine d'années. Donc on va faire les choses bien. Je vais vous présenter un peu les leçons à tirer de l'expérience du dancehall jamaïcain à l'échelle mondiale, puisqu'on est là en tant qu'observateur pour voir ben, qu'est-ce qu'on pourra faire derrière pour nos musiques de Martinique, de Guadeloupe, musique créolophone. Les leçons du dancehall jamaïcain. Le dancehall, qui est grossièrement au reggae ce qu'est le rap à la soul, c'est-à-dire une version brute, scandée, rapide, répétitive, au beat minimaliste, est sûrement la musique afro-caribéenne qui influence le plus la Caraïbe et le monde. Et la musique jamaïcaine n'a pas arrêté de s'exporter à la mort de Bob Marley. Plusieurs artistes dancehall ont connu des succès mondiaux, Shabba Ranks, Shaggy, Beanie Man, Sean Paul. Et il est intéressant de voir que pour des tubes comme Head's Eye de Mr. Vegas, oh, Who Am I de Binnie Man. Ou Gimme the Light de Sean Paul, ce sont des sons purs dancehall, non coupés, sur les riddims, les beats originels tels qu'ils sont joués en Jamaïque. Pas des versions édulcorées, aseptisées pour le grand public international. C'est bien la spécificité brute qui a séduit, parce qu'elle fait danser aussi, différemment, et il faut aller à la source pour la voir. Première leçon à tirer pour nos artistes locaux. Just give me the light and pass the joe. What's another buckle of more? Yeah, let me know my sight and I got to know which one is gonna catch my flow. Cause I'm in the vibes and I got my dough. What's another buckle of more? Yeah, them looking hype and I got to know. Could I be your protector? You're both in the... Ces derniers temps, il y a un retour du dancehall par une autre porte. Pas mal d'artistes hip-hop américains ont utilisé des samples comme Bam Bam de Sister Nancy, présent sur les derniers Jay-Z et Kanye West. Et des featurings non crédités de Jamaïcains pour apporter cette touche unique. Kanye West encore en abuse sur son album Yeezus. Et Kendrick Lamar booste son The Blacker The Berry avec un refrain puissant de Assassin, Agent Sasko, sans que son nom n'apparaisse. Une condescendance toute capitaliste qui rappelle les rapports de force industrielle et un écueil qu'il faudra éviter encore une fois pour nos artistes locaux sur le marché français. Deuxième leçon. D'ailleurs, toujours plus soucieux de pénétrer le marché américain, les Jamaïcains tendent à modifier leur son pour le rendre plus proche du hip-hop actuel, notamment le recours à un flow plus chanté, auto-tuné, calibré pour poser le refrain des prochains tubes US. Vibes Cartel est ainsi passé de ça. À ça. Pourtant, malgré quelques signatures comme Movado chez DJ Khaled, Popcan chez Drake, toujours pas de succès équivalent à ce qu'ont pu faire Sean Paul et les autres. C'est là qu'arrive la question de l'opportunisme et de l'appropriation culturelle. Lorsque pour avoir cette touche, ce son, ce beat unique, il n'y a plus besoin des artistes originaux. Major Lazer, qui a misé avant les autres sur le son jamaïcain, a été moteur d'innovation dans le genre, comme sur Pondy Floor avec Vibes Cartel. Et de mise en avant d'artistes jamaïcains jusqu'au succès de Watch Out for This avec Busy Signal. Ils ont alors commencé à produire des beats dancehall pour des grands noms pop. Ce ne sont bien sûr pas les seuls, et des Justin Bieber, Drake, Rihanna, Ed Sheeran ont pu arborer le son dancehall jusqu'au point où des critiques internationaux ont décrit ce son comme étant de la tropical house, retirant ainsi aux Jamaïcains leur seule richesse, la maternité de leur culture. Plusieurs artistes comme Mr. Vegas ont dénoncé cette appropriation. pendant que Drake a déjà un nouveau style dans son viseur avec le succès de la vague New Afrobeat du Nigeria qui reprend elle-même les codes du dancehall. Troisième leçon pour nos zoukers qui maintenant s'inspirent de la kizomba. Bref, une petite histoire grossière du dancehall qui montre les limites de cette internationalisation des musiques face au mastodonte pop. La meilleure réponse vient du dernier titre du chanteur Chronix, révélation reggae actuelle avec son album Chronology. Le morceau Likes rend hommage aux fondations du dancehall et prend sévèrement à partie ses collègues fainéants qui se plaignent de la mainmise de Drake et Rihanna sur leur musique. Pour lui, il faut remonter ses manches, produire et être original, rester précurseur de sa propre musique si on veut rester incontournable, au lieu de courir après la reconnaissance des autres. Quatrième et principale leçon, let's do it for the love, not do it for the likes. Il dit aussi, ça veut simplement dire que nous ne sommes pas encore prêts, on devrait mettre la musique en premier, le dancehall. Pendant qu'on se perd dans des guerres et dans la hype, Riri, Rihanna, elle bosse, elle work, dancehall. Social media type. Why like said them they a studio advice. Oh me never put them up on no flight. And me never see them a live not all life. You me someone know you have so much likes. I'm always still a lead by iTunes. Simple mean we not ready yet. If we put the music first that's all. While we there on a bar and a hype. Weary a work dance all. So when you see me yes and I see I. And every tune when me never write. And every show where we headline. No, we not do it for the likes. When we tell them we do it for the love. We not do it for the likes. What da da da da. Do it for the love. We not do it for the likes. Never tell you if you bust a shot and quank them. Instead we tell you sell it gonna buy a yen yen. Cause we do it for the love. We not do it for the likes. Them love we from a distance. Come home for 2 weeks vacation. Tough for them still stuck in the quicksand. Enough to hear us say them and the big man. In a Jamaica and them have the hit song. A gentleman me hear a player Finland. Me never hear them playing up against. Après ce petit intermède, vous aurez compris la suite logique. On continue notre tour du monde en restant en Jamaïque avec un groupe de production Equinox qui propose un dancehall, on va dire, futuriste. On écoute tout de suite un premier beat. Parce que c'est toujours bon de voir comment les beatmakers qui sont dans l'expérimentation rejoignent, on va dire, les artistes populaires pour créer, bien ensemble, une musique ouverte mais progressiste. On va écouter la rencontre des Quick Knox avec un chanteur de T.O.K. Craigity sur le titre We Are. Yeah, yeah, yeah. Say man a real ragga, ragga, ragga, dagga, dap. From you see me cap drop, you know what dap or that. I me no keep holy for friend, got friend with dagga back. Me keep me finger on the trigger, me no trust loose nigga. Me no name Cameron, but man a diplomat. And from you hear the beat drop, you know what Equinox. And from we stepping on the dance, the place must lock. Cause I know in your any venue, the T-pass through, man a bad man, remember that. I me no pop off unless me a go fire shot. And from you hear a shot, fire is a dopey that. So if you bright it, the deck can take one through your neck. Suck your mama, you and your friend, them go copy that. A double six like them tough and them a battercrat. Come a roll like lion and them a pussycat. If them no like when we a chat, tell them to defend that. Cause we are real reggae rock superstar. We are, tell them who we are. X to the C-A-R. Anything or anything, you know we ready for the war. We are your girlfriend fantasy par. We are, tell them who we are. X to the C-A-R. Yeah, yeah, yeah. On termine avec la Jamaïque, on termine avec Equick Knox, cette fois avec la chanteuse Shanique Marie dans un style plus reggae, en combinaison avec le Guadeloupéen Calipi. Coconut jelly man, oh, you swing your portly so. You got me hooked on jazz in that your local province, so. What the dogs I gonna do? What the dogs I gonna do? Coconut jelly man, what the dogs I gonna do? What the dogs I gonna do? Hey, she love how I manna chop it. Say, me no fi stop it. Daily she a fi come in faster than a rocket. The way I manna talk it, she say I alone can rock it. Rock it, rock it. Rock on, baby. So me chop it hard, cheat the jelly soft. And every time me tell her this, me see she a fi laugh. Say she love the energy she get off of me. Can't get enough, she want more of this. Coconut jelly man, oh, you swing your portly so. You got me hooked on jazz in that your local province, so. What the dogs I gonna do? What the dogs I gonna do? Coconut jelly man, what the dogs I gonna do? What the dogs I gonna do? Me say me love you from top to your toe. You make me black skin just a glow. Chop one, chop two, and cat a roll. Nouvelle escale dans Beat l'Entoulaté. Nous partons cette fois à Porto Rico découvrir un groupe électronique qui mélange les musiques de Cuba notamment avec les influences électroniques de la musique jamaïcaine et aussi l'influence de la religion Yoruba puisque le leader de ce groupe afro-américain à la base qui a élu domicile à Porto Rico est devenu lui-même prêtre Yoruba et tout ce mélange donne le groupe Ife. Alabala, esta me da miedo como Pablo. Dos paralelas marca golpe de estado. Dice mis derechos son América Miranda. Suena mi machete en el que zarabanda. Salam aleikum, salam aleikum. Suena mi grito, pico y palo. Mucho trabajo, Rihanna me dijo. Dame cuchillo, dame cuchillo. Vuelvo, repito, dame cuchillo. Dame cuchillo, pa'lante yo pico. Óyeme tipo, como te digo. Yo no me quito, negro y verde. Negro y verde, oh, narere. Sé lo que quiero, a eso me voy. Abre camino, a eso me voy. Dímelo, dímelo, yo te lo doy. Anda. Tres clavos, martillo, llave macho. Tres clavos, martillo, ese nene. Tres clavos, martillo, que me falta. Tres clavos, martillo, ¿cómo salgo? Sencillo. Anda. J'ai entendu les titres Tres Mujeres et Banga. L'album a un nom imprononçable, donc cherchez simplement le groupe IFE, I-F-E, qui nous permet de voir voilà, comment dans plein de régions du monde, en particulier dans la Caraïbe et dans l'Amérique latine aussi depuis le début de l'émission, on mélange la musique électronique, la musique en boucle issue du beatmaking avec les musiques eh bien, traditionnelles pour créer de nouvelles fusions qui permettent à ces groupes de s'illustrer sur les scènes internationales. Beaucoup de choses à retenir de tout ça. Et là, on va partir en Afrique, la source de tout. On va partir au Cameroun. Et ben, voilà, dans ce pays, la France, où le rap est marqué en ce moment par la mode de l'afro-trap d'une façon un peu stéréotypée, on va dire, à toutes les sauces. On va aller voir comment font sur place des artistes très talentueux. Le rappeur s'appelle Jovi, il est lui-même beatmaker sous le pseudonyme Le Monstre et on écoute un de ses derniers morceaux à ne pas rater, ou même. Mais all les dés on me choue à la télé. en Côte d'Ivoire, en coupant des cales. En coupant des cales. Ici c'est un bois, ici on pédale. L'instant on m'adore, on a chopé amo. On a chopé amo. Beignet haricot, chop ça en yamo. On chop ça en yamo. What do you got? Oh, oh yeah, choronko, mi c'est la lofo. Mi c'est la lofo. Baba, baba. Na ole la basso, inko, adi dope. On a si adi go for my mom. For my mom. Adi take a chop na cola nut. Cola nut. Adi polo de check, say na lock. Na lock. No na me di disciple, bon na God. Many day outside the hole, na di talk. Why some candidate outside the hole, na di buck. Smart and a shot before someone come up. Me, if I'm the 16, like say they no go dog. J'attrape l'appétit, je colle l'appétit. Then come back for Rolex, say nothing no happen. I enter back street, I sip your music. At the studio, they not be producing and rapping. Whoa. Yeah. Me, I know, be moon up for the day. The day, the day, the day. Mais on the day, on passe à la télé. Télé, télé, télé. En Côte d'Ivoire, en coupant des cales. En coupant des cales. Coupant des cales. Ici c'est le Mboa, ici on pédale. Pédale comme zélé. L'artiste s'appelle Jovi. On est au Cameroun, toujours dans ce beat Lantou Laté, ce petit tour du monde des beats. Et ben, le rappeur est également beatmaker sous le nom de Le Monstre, ça je l'ai dit. Il produit pour plusieurs artistes autour de lui, très très productif. Allez surveiller Jovi. Vous avez entendu à l'instant un morceau résolument trap, mais avec toutes ses influences de chez lui, toutes ses influences propres qui font qu'il crée un son, selon moi, qui est bien à lui. Et on va écouter une production qu'il a faite pour la chanteuse Rénis. Rénis, une chanteuse de son label, à suivre avec son album Tendon. Je ne sais pas si je prononce correctement, mais voilà, très très talentueuse. Rénis également, et on reste avec Jovi au Cameroun. On écoute ça, La Sauce. Les hommes aiment les femmes à cause de la sauce. Je le mets dans la sauce, je tourne la sauce. Omusongo naweti, omusongo naweti, omusongo naweti, oh, situation a changé. Omusongo naweti, omusongo naweti, omusongo naweti, oh, situation a changé. On est parti de l'Argentine, on est arrivé dans la Caraïbe, jusqu'en Afrique, et bien on retourne en Amérique du Sud, on va aller au Pérou pour écouter le groupe Dengue Dengue Dengue, un groupe électronique avec une grosse influence du reggae, également de la techno, mais principalement encore la cumbia digitale, mais voilà, des prods qui vraiment, ce sera peut-être mon coup de cœur de ce mois-ci. On écoute Dengue Dengue Dengue. All the girls from North, South, East and West. From your body look good and you know you have to God bless. Brock White. We'll be right back. Dengue Dengue Dengue de Lima au Pérou, un groupe que j'ai pu découvrir dans un documentaire de la Red Bull Academy, il me semble, où ils allaient à la rencontre de percussionnistes afro-péruviens, et donc une rencontre entre la musique électronique pure et la tradition afro-péruvienne qui, bien sûr, est en danger. Et voilà, c'est le genre de synthèse qu'on peut observer et voir qu'elles atteignent des scènes internationales, contrairement à ce qui se croit chez nous en Martinique, en Guadeloupe, sur la volonté d'ouverture, de standardisation de notre musique. Donc voilà, c'est notre émission où on observe un peu tout ce qui se passe, on se fait ce tour du monde, un peu pour planter le décor, comme on vous l'a dit depuis le début, sur les beats, les rythmes, qu'est-ce qu'on en fait. Et on va terminer avec un dernier extrait d'Ubcharaka de ce groupe Dengue Dengue Dengue. Vous entendez le dub, vous entendez le tibois, vous entendez en fait une musique qui vient du Pérou et qui joue principalement la musique colombienne. On est un peu dans ce beat l'entoulaté, dans ce tour du monde qui nous a emmenés en Argentine, à Trinidad, en Jamaïque, à Porto Rico, au Cameroun et enfin au Pérou. Et bien on va terminer l'émission en Martinique, non pas avec ce qu'on estime être le meilleur de notre production locale. Mais voilà, je vous parlais tout à l'heure du dancehall jamaïcain. C'est une musique eh bien, qui traîne un peu dans beaucoup d'autres musiques digitales actuelles, comme on a entendu aujourd'hui. Et eh bien, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui en Martinique? C'est la question que je me suis posée. Le dancehall martiniquais? Pour un martiniquais de ma génération qui écoute du ragamuffin depuis l'école primaire, qui a grandi dans les années 90 au son des Metal Sound, MC Janik, Strike Adi, Rofneg, c'est très difficile de comprendre ce qu'est devenu le dancehall martiniquais dans les années 2010. Alors, on essaie d'être ouvert d'esprit pour ne pas devenir un de ces anciens fans de rap qui disent « le rap, c'était mieux avant », sans se rendre compte que c'est l'attachement à une époque, leur jeunesse, et la découverte naïve d'un mouvement culturel fédérateur qui parle avant tout. On essaie, oui, mais c'est difficile. Tout début des années 2000, beaucoup d'artistes emblématiques de cette scène reggae dancehall partent à Paris, pour y faire Afeyo. Progressivement, une nouvelle génération prend le relais en Martinique, ou plutôt choisit de ne pas le prendre. Sans les références des précurseurs qui ne sont plus sur place, elle prend ce qui l'intéresse dans cette culture, laisse le reste. Ce qui frappe, c'est d'abord un retour au son ragamuffin des débuts, avec un duo batterie-basse plus que old school, rudimentaire jusque dans le son, comme une volonté de ne pas évoluer, tandis que les autres îles et régions suivent de près la locomotive jamaïcaine. La Martinique suit une autre voie. Rapidement, les Pailles et autres X-Men DJ de qualité font figure d'exception. Il en va de même pour les flows, simplissimes, rudimentaires, plus que old school, l'effort vocal en moins. L'école buissonnière YouTube a remplacé l'école des sound systems. Quant au texte, juste un jeu de mots, ou juste un mot, un gimmick, un délire semble devenir le maître mot. On ne se prend pas la tête, on oublie l'esthétique engagée, militante qu'avait le dancehall local. On délire, sauf que le délire dépasse les 100 000, 1 million de vues sur YouTube. Le délire devient carrière et on commence à qualifier cette scène à part de dancehall martiniquais. stigmatisé par ses beats, ses riddims surnommés riddim des douettes, soit un beat réalisé avec deux doigts, comme la parodie des compos de David Guetta dans les Guignols. Deux notes de clavier jouées sur PC servent de mélodie rythmée par une basse et une batterie. En mode do it yourself, c'est nous-mêmes ibon comme ça. Et malgré tout, un minimalisme et une spontanéité qui parlent aux jeunes. Affranchis des codes, des figures obligées d'un mouvement riche d'histoire. Sale boisson. Premier coup à coup, premier coup à coup. Papi m'a toujours dit, moi, premier coup à coup. C'est à partir du deuxième que nous capotons les coups. Premier coup à coup, premier coup à coup. Papi grimace. Alors, pourrais-je me faire l'avocat du diable et voir s'il n'y a pas là un petit truc qui, sans le vouloir, ne serait pas très loin de ce qui m'a moi-même attiré plus jeune vers le ragamuffin et le hip-hop? S'il s'agit bien d'une musique qui n'est pas martiniquaise et symbole de l'hégémonie musicale jamaïcaine aux Antilles depuis plus de 20 ans, est-ce qu'il n'y a pas là une petite déclinaison bien à nous? C'est ce que je me suis dit en entendant le Jamaïcain Mr. Vegas poser sur le El Tolo Riddim du Martiniquais Lizzy. Un flow minimaliste qui colle parfaitement au style. Des DJ martiniquais davantage héritiers de la première école, comme X-Man sur sa dernière mixtape The Baddest, utilisent cette signature musicale. A bad man party. Extraterrestre de Jamaica. Camino of mercy. Railroad boy in the place, my friend. Bad man party. I'm a happy real fan. Just leave me a spliff, man. Just buy my own Hennessy. Happy man and the 12 pharmacy. Hey, I swear I'm a happy real fan. Just leave me a spliff, man. Just buy my own Hennessy. Happy man and the 12 pharmacy. Le Guadeloupéen Ridla, connu pour son humour et son talent du délire, sans pour autant négliger le flow et la rime, pose aussi avec DJ Fly. Bye Snapchat, nan. Sinon bagay pou fè, fok nou fè maintenant. Fè gon si pou vivi te karete winet. Pro tout te pa kite pou restant. Zanmè, pa goumè pou pièce fond. Pa leve pou la djè, sa ke toune Vietnam. Et plus généralement, des DJ, cette fois qui sont aux platines et produisent les riddims, s'inspirent des riddims des douettes, même si le travail d'arrangement est un peu plus poussé que les productions qui envahissent les réseaux et WhatsApp. Encore DJ Fly avec la martiniquaise Meryl, révélation récente et originale. You wanna play with me, don't wanna play with you. Mal from the minute they get my defense. Fuck to DJ qui va les play big tune. Pussy wall thing, pas je n'y fais. Alors oui, les tubes les plus connus de cette scène ne seront pas joués ici en entier, comme le fameux Coco l'échelle. Coco l'échelle, post-bat fait qu'on go skater. Et produisent l'équivalent d'un cocolo par mois en Martinique. Mais tant pis, je reste à l'écoute de ce que ce dancehall martiniquais proposera, que ce soit pour la créativité d'un collectif comme Trucha Gang et son beatmaker Biggie on the Track, qui va bien au-delà des riddims des douettes. I'm sorry. Ou des artistes compétents au micro qui puisent dans ce style pour allumer leur feu, comme la chanteuse Senna sur son inédit Criminel, réaction à chaud face à la violence meurtrière subie par les femmes dans nos sociétés. Dancehall nous toujours là. Con Lambi Music jeudi avec EDS. Gunshot lyrical tonight as some boy dead. Criminel, I say fire upon them. Tue un femme qui bat l'amour. Tue ishli, même diable a pas même le wet tout. Criminel, fuck your nigga. Boy, sous passager, réformant nous tous les bâtis. Boy, de toi mini baka suffit à force, baka bon souhait. Il nous faut mi kavoye sa monte descend concrète. A concondo soye à ou demi, c'est que ou ni mal tête. Il nous je t'aime ou pas carton, copain de valentette. Pop chien sans laisse, ton petit bonhomme qui baka respect. La vie moun pani, puis faut voler, stop disrespect. Bambo glad, go suck yourself, boy. Pour fuck up tellement, ma quoi il sorti pas tout fait. Criminel, fuck your nigga. Why, sous passage, réforme en nous, tout n'est bâti. Why, criminel, fire à côté. Gang shot in your head. En bonne criminel, fuck your nigga. Why, sous passage, réforme en nous, tout n'est bâti. Why, somme l'on du nom, entre caillou, bat kick you. Ou t'es jani en femme, en caille qui te cabat kick you. Tout ça parce que femme l'on du il est en lot kiki. Tout ça pour pas entre caillou, ou bat. Kiki, on le bougé puis on le problème kiki. Qu'a mette moun en deuil parce que yo baka contrôle kiki. On le monsters et puis belle Fiji. Pas pleurer, pas moi mon identifi. Par coui messieurs, pas fait magie. Zot c'est un bon criminel. Fire ponem. Gang shot in your head. Un bon criminel. Fuck your nigga. Why sous passage réforme on nous tout n'est bâti. Why criminel. Fire ponem. Gang shot in your head. Un bon criminel. Musique jeudi dans Conan Ambi. Là, c'était Beat l'Entoulaté, un petit sujet sur le dancehall martiniquais pour voir comment, eh bien, peut-être par accident, on peut aller vers quelque chose d'original, comment on peut peut-être créer, on verra bien comment ça évolue. Et ça nous servira d'introduction pour les prochains volets de ce dossier Beat l'Entoulaté, où on va progressivement se poser la question de la Martinique, de la Guadeloupe et de leurs propositions dans cette sono mondiale. C'était EDS avec La Voix dans Conan Ambi Musique jeudi. Femme l'on du wille en l'autre kiki. Tout ça pour pas rentrer caillou ou battre kiki. On l'a bougé.